Enfant de clown et d'écuyère, il était né sous chapiteau. Entre la lionne et la panthère, on mettait son berceau. Il a grandi parmi les nôtres, dès que son âge lui permit de poser un pied devant l'autre, une voix lui a dit: petit, tu es né, saltimbanque, de ville en ville tu iras, jongle avec tout ce que tu as. Mais si tu manques, 100 fois tu recommenceras. Quand il voulait lancer des balles, elles ne tombaient pas dans ses mains. Quand il sautait sur un cheval, c'était toujours trop loin. En équilibre sur la table, il était pris par le tournis. Chacun le disait incapable de gagner sa vie. Petit, tu es né, saltimbanque. Il faut qu'il rie, il faut qu'il pleure, qu'ils applaudissent, qu'ils aient peur. Mais si tu manques, pour nous tu seras un voleur. Alors en désespoir de cause, il a jonglé avec les mots et la musique et d'autres choses. On a crié bravo, on le réclamait à tue-tête sur les pistes du monde entier. Dans son numéro de poète, il était adoré. Petit, tu es né, saltimbanque. Méfie-toi de ces pistes-là. Quand ton numéro passera, si tu le manques, on ne te ramassera pas. Car tous ces mots, quand on les jette, ils rebondissent n'importe où. De cœur en cœur, de tête en tête, ils en deviennent fous. Ils te reviennent de la salle, emplis d'espoirs ou de rancœur. Tu étais enfant de la balle et te voilà penseur. Laissez-moi rester, saltimbanque. J'aime la lumière et le feu, les tours et les mots dangereux. Toujours je manque, mon numéro n'est pas fameux. Je jongle avec ce que je peux.